Space Party avec le concours du Saint-Port, Lille et Paris. Salut la radio à bord du 13e Space Party. Cela fait 13 fois que nous allons dans l'espace et le Space Party est loin d'être endommagé. Non, il grille les autres radios par sa puissance et sa musique de sauvage. Le Space Party, c'est plus fort que la petite guitare d'Yves Duteil avec dans la première session du non-stop Nuke, Félix, DJPC, JC Deep, Phenomania, Lenny D, Eva. Laissez les doigts dans la prise, le cauchemar ne fait que commencer. Nana. Oh, no.

you know. Did I touch on this, your love? The minute you walk out that door, please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. I want you to know. Did I touch on this, your love? We'll be right back. We'll be right back. music is music. Music is music. Music is music. Music. Écoutez le tempo. Ah. Écoutez le tempo. Énergie, le 13e Space Party s'achève. Eh oui, avec un grand classique, c'est clair. Ça, c'est numéro 1 dans mon cœur, Seren PDP. Il va falloir attendre mes frères une semaine avant de faire l'amour avec Rick Hunter, avant d'embrasser sur la bouche Paul Prébois, le commandant Cocteau, COCTO, dans la radio. À bord du Space Party, vous salue. Et comme à l'accoutumée, pour toute communication avec le Space Party, vous pouvez le faire par le courrier. Énergie 39 avenue Diana 75 116 Paris ou bien 3615 Énergie, c'est le Minitel, boîte aux lettres Cocteau. Et puis pour essayer de choper quelques titres de la programmation du Space Party, vous pouvez aller voir Disco Parnasse à Paris et USA Import à Lille. D'ici la semaine prochaine, évitez d'être hermétique. Évitez d'être hermétique. Évitez d'être hermétique. Évitez d'être hermétique. Pour l'instant, 14h du mat. Attention, l'heure du grand choc.